Par où commencer? Attends, je vais t'expliquer. Je pensais qu'avec toi, je finirais par tout gagner. Putain, je me suis trompé. Des années plus tard, quand je te vois, je ressens que dalle. Je voulais éviter ça. J'ai perdu tout l'amour quand j'ai vu que la loyauté, finalement, tu connaissais pas. J'osais même comparer aux autres. Je me rends compte qu'on est pire que les autres. Tu sais que j'ai le cœur qui tombe. Quand je prononce ton nom, j'ai tellement honte. Je voulais pas donner raison aux amis. Une vie d'enfer très loin du paradis. Oh oh oh. Let's go. Moi je m'en vais, j'ai plus les mots, non. C'est mort, je croyais en nous, c'est de ta faute, non. Baby, let's go. Je m'en vais, j'ai plus les mots. C'est de ta faute, non. Yeah, yeah. Je dois partir. T'as gâché ma vie, je dois partir. C'est la fin, c'est fini, pourquoi t'insistes? Laisse-moi faire ma vie, je dois partir. Game over, goodbye. Let's go, moi je m'en vais, j'ai plus les bons, non. C'est mort, j'croyais en nous, c'est de ta faute, non. Baby, let's go, m'en vais, j'ai plus les mots. Baby, c'est mort, non. Yeah, yeah. Tu me réponds, mais tu m'écoutes pas. Tu m'entends mais tu me comprends pas. Je prends sur moi, j'ai la boule en ventre. Je fais ce qui t'aime et je fais ce qui quand je rentre. On discute plus, rien qu'on se dispute. Dialogue de sourd, tu me fais perdre mon temps. Préfère raconter ta vie aux gens. Je m'en bats les couilles de la vie des gens. Ce que je fais pour toi, t'en faisais pas en temps. Tu manques de rien mais tu te plains tout le temps. Même pas la peine de dire ce que je ressens. Tu parles, tout ça c'est du vent. Toi tu veux juste avoir le dernier mot. Ça y est, t'es content. T'es qu'une perte de temps. Let's go. Moi je m'en vais, j'ai plus les mots, non. C'est mort, je croyais en nous, c'est de ta faute, non. Baby, let's go. M'en vais, j'ai plus les mots. C'est de ta faute, non. Yeah. Yeah. Je dois partir. T'as gâché ma vie, je dois partir. C'est la fin, c'est fini, pourquoi t'insistes? Laisse-moi faire ma vie, je dois partir. Game over, goodbye. Let's go, moi je m'en vais, j'ai plus les bons, non. C'est mort, je croyais en nous, c'est de ta faute, non. Baby, let's go, m'en vais, j'ai plus les mots. Baby, c'est mort, non. Yeah, yeah. Mm-hmm.